c'est parce que je rencontre des gens qui... moi, ça fait 20 ans que j'habite ici et je rencontre des gens qui disent « Moi, je ne reconnais plus ce quartier. Je ne vois plus les gens que je connais. Je vais dans les bars, ça plus... » C'est normal, ça évolue. Mais c'est vrai qu'il y a une gentrification qui est en cours et ça, ça va l'accélérer. Et ça, ça va dans le sens des gens qui veulent un espace calme, qui veulent dormir le soir, qui n'ont pas envie d'avoir des voitures. En fait, c'est enlever toutes les nuisances, mais ce qui est nuisance aussi, c'est la vie de l'espace public. Et en fait, pour vous donner un exemple de ce que je veux dire tout à l'heure, de comment ils ont accentué la volonté de diviser les gens, c'est cette idée de conflit d'usage de l'espace public. En fait, l'aménagement vient pour résoudre les conflits d'usage. Et ça, les conflits d'usage, c'est la vie, hein, c'est les gens qui se côtoient sur l'espace. Et s'il y a un bien commun qui va se créer, c'est justement dans les réglages entre les gens de ces différents et de voir comment on peut chacun avoir son espace de vie. Et un aménagement qui résout un conflit d'usage, en fait, c'est anéantir les usages. Si on a décortiqué les cahiers des charges, les projets et tout, ça suffit de voir les bancs comme ils les ont installés autour des arbres. Oui, il y en a plein, d'accord, mais ils sont dos à dos. Il y en a certains qui sont face à des kiosques, du coup on va s'asseoir en face, on a un mur. Ils ont coupé tous les arbres pour en mettre d'autres, on ne voit pas pourquoi. Et là, en fait, ils disent on a enlevé les voitures les premiers soirs ici. Ben, c'était couvert de voitures. Oui, parce qu'il n'y a pas de parking. Non, mais on pourrait en parler pendant des heures, mais pour exemple, les kiosques que vous voyez ici, ça va être des snacks, ça va être les toilettes. C'est minable. Hein. Et en fait, ils ont décidé, vous voyez des petits points noirs qui dépassent. En fait, c'est des kiosques qui sont imprimés avec les visages des gens du quartier. Du coup, je suis curieuse de découvrir qui a prêté son visage pour ce kiosque. Et ce qu'il y a autour qui sert pour les protéger, c'est devenu un autre lieu de lutte. C'est ces panneaux en bois qui protègent les kiosques. Vous voyez, ils sont repeints. À la base, c'est de l'OSB, c'est du bois, sur lequel on a commencé à faire des affichages. Et c'est devenu un nouveau lieu d'expression. Il y a eu des trucs aussi magnifiques. En fait, on avait fait pour un an de la plaine, recouvert avec toutes des photos de toutes ces trois années qui sont passées, avec tout ce qui s'était passé. Et du coup, c'est régulièrement déchiré, repeint par la mairie. Du coup, on voit vraiment que la lutte continue à certains endroits. Et là, c'est la volonté de faire taire des voix qui se voient sur la répression des usages, qui se voient sur la répression des affichages. Mais en même temps, ben, on laisse les tags artistiques parce que quand même, il y a les tours des gens qui viennent découvrir les graffiti art. Vous avez demandé quand même, l'ironie du truc était qu'ils avaient demandé aux graffeurs du cours Julien de graffer le mur. Il paraît, ouais. C'est vrai, ça. Hein. Ouais. Et ils ont refusé, bien sûr. Et pas tous. Mais ouais. Ah, l'humain, c'est faiblesse. Mais du coup, c'est quand même dingue de voir qu'il y a globalement sur la ville, des campagnes, comme vous avez vu au début de la balade sur l'église. Des réformés. Tous ensemble pour la rénovation de l'église. Il y a le département qui finance la rénovation des façades. Et en fait, il n'y a rien pour le toit et c'est par là que l'eau rentre dans les bâtiments. Et c'est la même chose ici, on refait la place, mais il n'y a rien qui est imaginé avec les gens qui l'utilisent pour... effectivement, comment la gestion peut être faite. La seule gestion qu'ils imaginent, c'est de multiplier les caméras de surveillance vidéo et la répression policière et de demander des permissions pour faire n'importe quoi sur la place. Du coup, ça, effectivement, c'est quelque chose qui continue encore. On a fait juste avant Noël les marchés des créatures. C'était un peu une dérision des marchés de Noël. C'était un truc un peu glauque, mais pour occuper l'espace. Et à chaque fois, c'est sans demander l'autorisation. Et on va continuer à faire ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça donne après sur la vie de la place? Ça, c'est une autre chose, un quartier populaire. Est-ce qu'il le sera encore après? Comment ça va être quand les marchés vont revenir? Quel type de marché on aura? Quel quartier sera? Ils visent ça. Bon, mais ça va être un truc entre les deux. Mais ce ne sera pas les marchés d'avant. Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'émotion, non, qu'on a de notre part d'avoir vécu les quartiers d'une façon et de voir qu'il est méprisé, charcuté par ce type de chantier. Pour construire quelque chose en commun aussi, ce qui est délicat dans ce genre de choses, c'est les ruptures qui sont données par des situations comme ça d'abandon des usages pendant longtemps, pendant les travaux. Martha en a parlé au niveau des commerçants, mais pour les usagers, nous aussi, c'est pareil. Quand voilà, mes enfants ont vu tomber les arbres et qu'un jour, ça sera une autre place, ce jour-là arrivera dans 5 ans ou 6 ans après. À l'échelle d'un enfant, ça veut dire qu'il le revoit à la place quand il est adulte. Donc il dit au revoir à la place quand il a 10 ans. Enfin, ça a été un peu ça aussi. Voilà, je suis enfant, je viendrai parce qu'on avait beaucoup d'enfants qui venaient jouer ici, se retrouver à faire du skate et tout. Et là, à un moment donné, ils ne peuvent plus se retrouver aujourd'hui parce qu'on ne veut plus, parce que voilà, vu l'état. Et du coup, eh bien, voilà, c'est dans 5 ans, mais quand vous avez 10 ans, dans 5 ans, c'est une vie. Donc, c'est ce qui est difficile après de reconstruire des choses sur, avec ces interruptions. Voilà. Ah, si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Donc là, pendant plusieurs années, il y a plein de commerçants qui ne vont plus pouvoir vraiment travailler. C'est un problème au niveau des commerçants. Et je me demandais si c'était pas, ce drame, c'était pas aussi une opportunité pour les collectifs et tout ça. Est-ce qu'il y a des interstices de lieux peut-être à investir pour que quand même, dans cette place qui aura complètement changé, il y ait des espaces et, ou avec des usages particuliers, collectifs, associatifs et tout, sur la place, il y ait quand même un peu... soit à l'assemblée, mais qu'il y a un lieu en fait qui puisse servir pour garder une vigie quoi, symbolique. Ou... Il y a deux choses, juste une petite parenthèse sur l'assemblée, n'a pas de lieu, c'est un peu une volonté aussi de tourner dans les lieux amis, et je trouve que c'est quelque chose d'assez chouette qui fédère un peu cette idée des liaisons entre les lieux associatifs. Par contre, l'idée d'avoir un lieu sur la plaine, oui, ça nous... c'est un fantasme qu'on a depuis super longtemps. Il y a eu des tentatives de prendre des lieux. Il y a eu la maison du peuple en bas qui est résistée, mais ce n'était pas tout à fait dans les quartiers. C'est... la semaine dernière, rue Ferrari. Oui, mais ça durait deux heures. Et non, dans le sens, il y avait un espace qui s'était jadis Sigor, qui était un espace occupé un peu plus bas, qui a catalysé pas mal d'énergie au cours des années, des premières années de lutte. Et des cantines, des projections, des rencontres. Vraiment, c'était un lieu qui vivait bien avec tout ça, mais qui a été expulsé. Et à partir de là, en fait, dès qu'on essaie d'occuper un lieu, c'est expulsion directe, hyper violente. La maison du peuple a résisté un certain temps, mais aussi parce que c'était une situation un peu particulière. C'était un bâtiment, c'était un ancien pôle emploi sur la propriété. Il y avait un peu un flou au départ, du coup, ça a permis que ça reste un peu, mais sinon, c'est super dur. Des lieux collectifs. C'est un peu là, j'ai l'impression qu'il y a aussi un air de bataille. Ça rejoint aussi le truc de qu'est-ce que ça pourrait être après, cette question-là aussi. C'est comment finalement les gens, malgré le fait que ça bouge et tout ça, comment c'est un peu la question de comment les habitants continuent à garder l'énergie, d'essayer de s'organiser, etc. Et la question des lieux, bah, c'est aussi, ça demande aussi pas mal d'énergie. C'est aussi, tiens, comment ouvrir des lieux. Bah là, bon, finalement, on est plein aussi à avoir d'autres lieux à côté, mais avec aussi, pareil, ces questionnements de est-ce qu'on va réussir à rester dans ces lieux, on n'est pas forcément propriétaire des lieux. Et voilà, il y a un peu tout ce truc-là, c'est de garder effectivement la motive, de se dire, bah, tiens, on va rester là, et on va pas partir, et on va essayer de continuer à tenir des endroits et faire des choses quoi. Et après il y a bon, à la fois des stratégies squat, mais après il y a aussi des stratégies plus légales aussi, de se dire bah tiens on loue ou même pourquoi pas essayer de racheter des lieux, etc. Il y a quand même beaucoup de réflexions qui se font dans différents groupes et même croisés, c'est-à-dire de rassembler plusieurs groupes, même quand il y avait l'histoire de l'intermédiaire à un moment. Des lieux qui potentiellement peuvent aller sur les marchés privés, de comment les faire sortir du marché de l'immobilier. Bah, y a des réflexions en cours, notamment autour du projet de l'ADAR, des fonds de dotation, de trouver d'autres formes juridiques pour devenir propriétaire, mais ne pas être propriétaire. Et comment on peut mettre en place un projet de fonctionnement pour que ça puisse être durable dans le temps. Du coup, là, c'est plus des réflexions sur des lieux. Mais quand on parle d'un lieu, déjà c'est plus concret, C'est-à-dire, c'est un espace public, c'est toute une autre échelle de réflexion. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'un lieu sur la plaine, c'est vrai, c'est qu'on rêve. Mais... Ce qui a fait les opportunités des magasins qui s'évident, c'est plutôt pour les promoteurs. C'est racheté, c'est prêté, et ça va être... Il y a aussi toute l'histoire des arrêtés des périls qui se joint aussi aux magasins qui ferment pour manque d'activité commerciale. Déjà, c'était des petites activités, c'était déjà faible avant les chantiers, mais c'est clair que 2 ans de chantier, ça... ceux qui étaient plus en difficulté économique, ils ont fermé tout de suite. Et c'est tous les petits, les épiciers, les snacks qui étaient de l'autre côté. Et du coup, ça sera plutôt qu'est-ce qu'on va trouver dedans à la fin du chantier. Oui. Oui. On vient juste de visiter ensemble 2 lieux de lutte pour des espaces. Est-ce qu'il y a quand même des histoires de consultations citoyennes bien faites, réussies à Marseille? Ou, Non, je suis désolée. En fait, ici, il y a eu une concertation pendant 3 semaines. Ouais. Ils avaient déjà un projet de scénario plus ou moins dessiné. Et ils demandaient aux gens, donnez-nous 3 mots pour décrire la plaine. C'était complètement bidon. C'était déjà prévu. Il y a plein de gens qui pensent que c'est parce qu'il y a eu la mobilisation du projet qu'ils ont fait la concertation. Ils avaient prévu de faire ça. Mal, ça sert à rien. Non, ils n'étaient pas obligés par la loi. Non. On va dire la consultation qui, au niveau de la communication, paraît celle qui fonctionne mieux, ce serait celle... C'est quartier libre, mais en fait, c'est une consultation où il ne se passe rien. Ouais. Par contre, il y a eu de la concertation, il y a plein de réunions, enfin, sauf que pendant un temps, il n'y a plus rien eu. Et tout d'un coup, de nouveau des réunions, mais concrètement, il ne se passe rien. Il y a un chantier école... Où ça en est, on n'en sait rien. Devait y avoir des aménagements dès 2017, il n'y a rien eu. Il y a le couvent Leva, voilà, ils ont acheté le jardin et le couvent. Ça, ils se gaussent de ça parce que c'est la seule chose concrète. Mais en même temps, nous n'avons pas de maison de projet. Ça devait se faire à chaque fois, on nous dit ça va être, ça va être, ça va être. Et la dernière fois, ils n'ont rien trouvé mieux que de faire appel à un autre. Alors, il y a un mandataire avec architecte et puis sociologue et compagnie. Et ils ont fait appel à une autre boîte de concertation qui est sur Aix-en-Provence pour nous demander, alors on va faire une maison du projet, qu'est-ce que vous en pensez? Comme s'il ne s'était rien passé depuis 2014. Hein? Et c'est une opération aussi où il n'y a pas un financement, on n'a pas 22 millions. Il y aura de l'argent selon les projets, mais il n'y a pas d'enveloppe. Enfin, je veux dire, il y a aussi des enjeux très différents. Hein. La plaine, on dit pour le réaménagement 22 millions. Nous, on ne nous a jamais annoncé une somme. Ce sera en fonction... des investisseurs privés. Voilà, exactement. Hein. Quartier de la Belle de Mai, quartier populaire. Et oui, frappé par des nombreux arrêtés des périls. Aussi, aussi. Hein, ouais. Vous avez encore quelques questions? Ça fait du bien hein, de courage dire pour la suite. Oui, it's good to say. Tenez-vous. Because first we decide to play the game. Il faut avoir il semble qu'il y a quand même pas mal de documents vidéo qui ont été tournés pendant l'histoire de Mur avec Primitivi et tout. Oui, Primitivi, c'est une association, c'est les deux quartiers, on va dire, c'est des cinéastes qui sont hyper actifs, hyper militants, qui ont filmé beaucoup ce qui s'est passé sur la plaine. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc génial qui peut-être peut être intéressant pour vous. C'est de... En fait, ils ont écrit une sorte de fiction sur l'histoire de la plaine qui s'appelle La Commune de la Plaine, qui devrait être bientôt finie. Ouais. C'est quoi, et en fait, c'est tout ce qui a été filmé, plus ou moins, c'est vraiment passé. Il y a quelques scènes qui étaient un peu... Par exemple, c'est il y a des ateliers qui avaient été organisés sur la place, mais pour filmer ce film. Et en fait, c'est la plaine est déclarée commune. Dire, la mairie se désengage de la gestion de la plaine. Et du coup, c'est le quartier qui vient découper des cartes de Marseille et c'est les habitants qui prennent en gestion, du coup, qui s'auto-organisent pour cette commune de la plaine. Et ça, c'était un outil aussi de lutte, de construction collective, d'un discours, des échanges. Ça vient d'un film de Peter Watkins, La Commune de Paris, qui était un film outil pour le, aussi la mobilisation. Et tout. Voilà. Mais historiquement, la vraie commune, il y a eu des actions ici au niveau de la plaine. Hein. C'était aussi un lieu historique, la plaine. Comme la belle de mai. Oui. Est-ce que dans les buts et tout ça, il y a des erreurs que vous dites qui n'auraient pas dû être faites, ou des choses qui auraient pu être faites, des choses pour... on se dit, bah, après coup, on se dit, ça c'était bien, ça c'était pas bien. On peut toujours s'imaginer des choses. Oui, mais... non, plein de choses. Moi, il y a une chose en particulier que je me dis qu'on aurait pu faire mieux. C'est au moment, les mois avant le début du chantier, où il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont convergé ici à la plaine, avec des raisons très différentes, hein, entre ceux qui sont super écolos, qui venaient pour les arbres, ceux qui voulaient faire la ZAD à la plaine, vraiment il y avait tout. Et qu'en fait, on n'était pas trop en mesure de transmettre les années de lutte qui avaient anticipé ces moments-là. Et j'ai eu l'impression un peu que ça manquait d'organisation, qu'on aurait pu, avec tout le monde qui était là, faire des choses plus d'impact. Je sais pas, il y a eu peut-être un manque de transmission. Non, mais des transmissions aussi, d'être là et de... Du coup, je me souviens des réunions énormes qui avaient lieu sur la plaine. Enfin, on est arrivé, on ne connaissait plus personne. Et il n'y avait personne, des gens qui étaient là depuis des années, qui prenaient vraiment la parole pour transmettre des choses. C'était, on a beaucoup laissé la place aux gens qui arrivaient. Mais du coup, ça partait un peu de zéro en termes d'organisation. Je sais pas, ça c'est une petite chose. Ouais, comment laisser la place tout en essayant de transmettre ce qu'on a construit sans vouloir diriger les choses. Cette question de la transmission, elle est très, très importante pour moi, je trouve. Ouais. Après, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Il y avait des panneaux, il y avait un petit journal, il y avait des films. Il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Mais après, vu que ça reposait aussi sur des énergies militantes, bon, après, c'est... Je pense qu'après, c'est un peu comme dans toute lutte aussi, où il y a plein de gens différents, il y a plein de groupes. On fait ça aussi sur le temps libre qu'on a, ou si on est chômeur, qu'on a plus le temps. C'est difficile de répondre précisément aussi à ça, parce que c'est vachement multiple aussi. Non, mais ce que je pense, c'est qu'on n'a pas eu le temps de s'organiser, parce que le chantier est vite arrivé, et il y a eu des actions de résistance quand on venait s'opposer à l'entrée des camions le matin très tôt, à 6h du matin. Bon, on sentait que c'était une dernière chose qu'on pouvait faire, voilà. Donc après, il y a eu la démoralisation du fait que le chantier avait commencé malgré nos actions d'information, de rassemblement et d'action. Mais bon, moi je pense qu'on a tout fait ce qu'il fallait faire. Hein. Mais pour le mieux, je veux dire, on ne peut pas revenir en arrière, de toute manière. Hein. Mais c'est vrai que le mur et les effondrements de la rue d'Aubagne, ça a donné un sacré coup au moral aussi. Ça a fait bouger la lutte et dur. Oui. Ça a déplacé la lutte ailleurs en fait. C'est-à-dire qu'un mois après le début du chantier, les effondrements, ça a entraîné une toute nouvelle lutte. Et là, ça a rassemblé des milliers de personnes au-delà de ce qui se passait dans la lutte sur la plaine. Ça a réuni énormément d'autres gens et d'énergie, mais ça s'est déplacé d'ici pour aller plutôt vers le port, vers la mairie. Et puis là, c'était des rassemblements de 15 000 personnes. Qui ont eu énormément d'impact, mais du coup le terrain de la lutte s'est déplacé, l'urgence était ailleurs. Et puis un mois encore après, ça a été le début des Gilets jaunes, donc l'année dernière ça a vraiment été une explosion sociale hyper forte en fait, qui nous a fait tous traverser aussi énormément de choses, on est passé par énormément d'affects différents aussi. Mais du coup ça c'est pas vraiment, c'est pas comme si c'était arrêté quoi, mais non, ça se déplace quoi. Beaucoup ça s'est passé dans l'interlutte aussi, de convergence de lutte aussi, de comment se rapprocher des autres collectifs, des différents fronts, des différents collectifs qui sont allés dans différents quartiers et qu'avant l'année dernière, ils ont essayé de ces gens, mais il y avait très peu de communication, beaucoup de distance aussi avec les quartiers nord et les centres-villes. Mmh. C'était des lieux où les luttes se passaient en parallèle. Et là, il y a eu de plus en plus de contacts humains Ouais. Puis après, on a quand même participé aux états généraux du 22-23 juin. C'était important. On a organisé un groupe de débat sur la gentrification. Je crois que donc on a pris une place, cette place-là, oui, dans l'ensemble du mouvement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut retourner sur la plaine et voir ce qu'on fait. Mais ça, ça sera en débat, quoi, dans nos assemblées. Voilà. Non. Merci. Qui c'est qui part, qui c'est où on va, tout ça. On va normalement au BPA maintenant. Oui. Avec un trajet qu'il faut définir. Mais... D'accord. À pied. C'est plombière. Les pubs, on est les métros plutôt. On va partir côté de la gare. C'est quelle heure, ouais. Midi et demi. Vous pouvez prendre les métros à Notre-Dame-de-Mont jusqu'à Bougainville. On peut prendre le métro. Parce que c'est long à pied. Oui. Ouais. Et là-bas au Midiard, où des gens continuent à aller, Qui c'est qui peut nous dire qui les Midiard, c'est quoi? Non, j'ai assisté hier toute la journée, c'était intéressant. Ouais. Ah ouais, tu étais là? Non, je ne suis pas là. Tu peux nous dire ce que c'est? Ah, pardon, j'ai pas vu. C'est... Attendez. Ouais.